on va parler avec notre ami Serge Cloutier. C'est le British Open en fin de semaine, un des quatre tournois majeurs. Et ce que j'ai pu voir, c'est que Tiger Woods est malheureusement éliminé. On en parle avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour Danny, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, effectivement. Donc, ce que je viens de voir, c'est que notre ami Tiger ne fait pas la cote. Oh non, Tiger Woods, ça a pas marché, mais pas du tout. Mm. Mais c'est pas lui le pire. Le pire, c'est McIlroy. OK. McIlroy, il est chez lui, en Irlande. Ouais. Et il avait déjà joué une ronde record de moins 11. OK. Et c'est exceptionnel. Mais la première journée, quand McIlroy s'est élancé au terre de départ, il a fait 8 au premier trou, plus 4. OK. Déjà là, c'était pratiquement terminé pour lui. Alors, il a fini sa première journée à plus 8. Mm. Et là, la cote, comme on dit, pour jouer en fin de semaine, c'est plus 1. OK. McIlroy est revenu avec un 65 pour sa deuxième ronde, moins 6. Okay. Mais il termine à plus 2, donc il ne fera pas la cote de la fin de semaine. C'est ça qui est triste, parce qu'il va être à un coup d'avoir eu peut-être des possibilités de revenir. Mm. Mais là, c'est terminé pour lui, comme Tiger Woods. Et il y en a d'autres, là, des bons joueurs qui malheureusement ne joueront pas en fin de semaine. Phil Mickelson, ouais. Plus 8. Adam Scott, plus 9. Deschambault, plus 5. Okay. Jason Day et Snedeker, qui sont parmi la crème des meilleurs golfeurs, plus 2. Alors, on les verra pas en fin de semaine, ces joueurs-là. Alors là, c'est pas terminé. On va jouer encore, parce qu'avec le décalage horaire, ça va finir plus tard. Il y en a qui sont encore sur le terrain. Mais les meneurs, c'est J.B. Holmes et Scott Lowry qui ont moins 8. Mais attention, Fleetwood et Westwood, moins 7. Justin Rose, moins 6, et Kepka, ben oui. Le golfeur des tournois majeurs depuis 2 ans, moins 5. OK. Alors, il est à 3 coups des meneurs. Oh, et peut-être, peut-être la surprise de la fin de semaine, un qui ne joue pas bien depuis environ 2 ans, c'est Jordan Spieth. OK, oui. Et là, Jordan Spieth, après 2 rondes, est moins 5. Mm. Donc, à 3 coups, lui également, des meneurs. Donc, ça va être très, très, très intéressant de suivre les 2 dernières rondes pour savoir qui va sortir gagnant. Mais Kepka, il est encore là. OK. Serge, les conditions étaient ressemblées à quoi? Parce que c'est le minimum britannique, parallèlement, historiquement, il vente toujours. Hein? Il vente toujours, il pleut, il fait froid. C'est des conditions extrêmement difficiles. Le vent à travers tout ça. C'est un terrain qui est magnifique dans le style européen. Ouais, ouais. Parce que c'est pas des terrains comme chez nous, là. Mm. Mais si tu restes pas dans l'allée, t'es dans le trouble, il y a des vallons beaucoup. Alors, t'arrives sur le vert, puis soudainement, tu te retrouves en dehors du vert. Les trappes de sable, c'est épouvantable des fois. Ils ont 6, 7, 8 pieds de haut. Alors, ça prend beaucoup de talent, mais garde, je vais te donner un exemple. David Duval. Ouais. Il a fait 14 sur un trou, le trou le plus facile du terrain. 14 sur un par 4. Mm. Il a joué plus 20. Alors, 91 qu'il a joué sa première journée. Il a joué pour le fun aujourd'hui, là. Ouais. Mais il reste un fait, c'est que ça donne une idée aux golfeurs amateurs qui s'amusent. Quand on fait des petites erreurs, on dit « Mon Dieu, j'ai mal joué. Mm. » Mais quand tu vois ces golfeurs professionnels qui jouent tous les jours, puis qui, des fois, il y a une journée, ils jouent 65, puis le lendemain, 72, 7 coups de différence, faites-vous-en pas, amusez-vous, il n'y a pas de millions au bout pour nous autres, puis on s'amuse. Ouais. C'est ça l'important. Mais Serge, est-ce que, ben, je sais que Tiger l'a déjà gagné, est-ce que les Nicholson, je pense que vous aussi, mais les golfeurs européens sont avantagés? Parce qu'ils connaissent plus l'allée, ils connaissent plus les conditions météorologiques, et ainsi de suite? Mais normalement, oui, parce qu'ils sont habitués de jouer sur des terrains comme ça. Westwood, Fleetwood, c'est des gars qui viennent de ces coins-là. Ouais. Alors, eux autres, Finau et ainsi de suite, eux autres, ils vont peut-être avoir plus de chances. Mm. Par contre, ça prend énormément de talent et beaucoup de chance. OK. Là, la 3... Ta balle est bien frappée des fois, puis elle s'en va du mauvais bord, puis t'es pénalisé. Ouais. Donc, Holmes et Laurie sont... c'est pas des gens qui sont habitués vraiment de faire face à la pression du samedi et dimanche, hein? Non. Ouais. Là, j'ai hâte de voir comment ils vont essayer de surmonter la pression, parce que Koepka va pousser. Mm. Dustin Johnson, là, le genre de Gretzky, là, ben, il est moins 3. Mais moins 3, c'est à 5 coups du meneur, c'est pas beaucoup, ça prend pas grand-chose, là. Alors, lui aussi, il peut être considéré comme pas un favori, mais il peut gagner parce qu'il est pas trop loin des meneurs. Ouais, effectivement. Tiens, on s'en reparle lundi? On va voir qui va gagner le tournoi, mais à surveiller toute la fin de semaine, Monsieur Koepka. Oui, à surveiller. Donc, notre ami Serge Cloutier qui nous parlait du British Open qui est en cours en Grande-Bretagne.